Excellente mine, vous avez aujourd'hui. Oh! En vérité, quelle excellente mine! Puisque je vous dis, Lucchesi est incapable de distinguer le Xérès de la Mandriano. Non, non, non. Je vois que vous souffrez d'un froid cruel. Louquez-y, je vous l'assure. Allons, venez. Mes caves sont tapissées de nitre. N'importe. L'humidité est insupportable. Le froid n'est absolument pas. Plus à cause de la Mondiano. Thank you. pressenti et précieuses. Soyez bien, vraiment bien. J'y entrerai. Vous êtes cependant riche, oui, respecté, aimé, aimé. Vous êtes heureux, comme jeune fille. Autrefois, je vous l'ai dit, vous êtes respecté, riche, aimé. Vous laisseriez la vie pour moi. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Allons-en, je vais vous cuisiner. Assez ! Là, tout n'est rien. Cela ne me tuera pas. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas vous alarmer. Cependant, prenez garde. De ce médoc. Il vous défendra du froid. N'ayez crainte, je ne mourrai pas. Horiza. Trinque. From this instant, there is nothing serious. Immortal. Nothing serious in mortality. All is but time. Shakespeare, assez des fadocs qui autour de nous reposent. Je bois à votre longue vie. caves sont immenses. Les caves sont, il est bien vrai, immenses. J'ai oublié, quoi non, votre blason. Il est noir et sur l'azur, le pied écrasé, le serpent volé dans marde, au talon. Mon trésor. Vous sentez-vous mal? Non, point du tout. Rappelez-moi donc votre devise. Nemo me imbu de la cresit. Personne ne m'insulte impunément. Forbo. Le nidre. Thank you. Ce n'est rien. Continuons. Si, si, si. Faux, impossible. Si, si, si, si. Faut un allogène. Impossible. Vous, maçon. Impossible. Mais oui, maçon. Impossible. Impossible. Oui, maçon. J'exige les preuves. Mais voici. Vous voulez rire? Allons. À la Montillano. Allons. Mondiano. Certe. Qu'attendons-nous? Ne voulez-vous un dernier verre? Fin Dieu, mon trésor, je bous la patience. Allons plutôt à cette barrique de la Montia. De la Montiano, on vous en a posé. C'est entendu. De la Montiano, de la Montiano. Mon trésor. Passez votre main sur le mur. Vous ne pouvez pas ne pas sentir le nitre. Vraiment, il est très humide. Non. Alors il me faut vous quitter. Mais certes, rassurez-vous, nous serons rendre absolument tous les petits soins dans mon pouvoir. Oh, Fortunato, que ne m'avez-vous écouté? Et de la Montiano, et vous? Oh, j'ai des doutes. Je vais guérir Lucchesi. Il est capable de grignard, bien capable de distinguer la Montiano, l'Uxeres. L'humilité vous durera, bien que vous soyez riche, oui. Respectez, aimé. Assez. Là, tout n'est rien. Souvenez-vous. Comme ici, une sorte. La mort des primordiales, c'est les deux. À votre précieuse santé. Trésor, l'Amontillado. C'est vrai, l'Amontillado. L'Amontillado. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,